Il y a du spleen dans mon histoire. Sur mon piano, des idées noires. Des nuages sur mon horizon. Elle met du blues dans mes chansons. Elle met de la mélancolie sur chacun des mots que j'écris. Un nouveau rythme, un autre son. Elle met du blues dans mes chansons. J'ai goûté à tous ces poisons qui jettent mes rêves en prison. Où est mes blessures portent son nom. Elle met du blues dans mes chansons. Elle fait pleuvoir sur mes paroles les vieux accords d'une guitare folle. Un bruit d'enfer à la maison. Un pied de batterie dans le cœur. Un raz-de-marée de chaleur. Elle met l'amour dans mes chansons. Il y a du flou dans ma mémoire. Sur ma musique, il y a du brouillard. Un grand point d'orgue à l'horizon. Elle met du blues dans mes chansons. Elle met de la mélancolie sur chacun des mots que j'écris. Un nouveau rythme, un autre son. Elle met du blues dans mes chansons. Elle me fait chanter comme une folle les vieux accords d'un rock'n'roll. Je me sens perdu et je suis pas bon. Dans mon histoire, sur mon piano, des idées noires, des nuages sur mon horizon, où elle met du blues dans mes chansons.